כמו שמו פידל J'y suis cadère, les Maghrébins, j'y vivis dans le désert. Je suis tout seul avec Sarah, à contempler le Sahara. La lune qui brille dans le ciel de la nuit me rappelle le miel d'une fleur de désert. Que je l'aime ma biquette, que je l'aime mon amour. C'est la lumière dans le jour de ma vie. Nadine, Nadine, Nadine, bébé, Tahia Zibbide. La lune qui brille dans le ciel de la nuit me rappelle le miel de la fleur du désert. Que je l'aime ma biquette, que je l'aime mon amour. C'est la lumière dans le jour de ma vie. Nadine, Nadine, Nadine, bébé, Tahia Zibbine. Nadine, Nadine, Nadine, bébé, Ya Lili, le Habibi. Habibi, Tahia Zibbine. La lune qui